Chapitre 267. L'interdiction d'insulter les morts sans une raison valable ou un intérêt légitimé par la religion, comme le fait de mettre en garde contre l'imitation de ses hérésies et de ses actes immoraux. On peut citer ici les traditions prophétiques, ahadith et les versets du chapitre précédent. 1564. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « N'insultez pas les morts. Ils ont, en effet, rejoint leurs œuvres. » Al-Bukhari.